Chapitre 12e, Julien. À Madame Armande. À la Bonne Ville, Orne, Paris, le 15 mars. Ma chère Armande, j'ai enfin des nouvelles de Julien, et je veux tout de suite vous les donner. Elles ne sont pas telles que vous puissiez vous en réjouir, mais enfin, elles vous sortiront néanmoins de votre incertitude. C'est par le plus grand des hasards que je les ai obtenues. Vous savez que je vais peu au théâtre. Ce genre de plaisir n'a pour moi aucun attrait. Et bien qu'il plaise aux esprits blasés qui demandent un air l'émotion factice que le cœur ne peut plus leur donner, je crois qu'on ne sort pas de là amélioré et que c'est aux dépens de la morale et de l'intelligence qu'on s'est amusé. Pour moi, l'intérêt ne survit pas à cette autorité vaine que produit l'intrigue et que dissipe le dénouement. Cependant, pour faire plaisir à une de mes amies, je l'avais menée hier à la Porte Saint-Martin. On y joue en ce moment une féerie, les Contes de Perrault, qui depuis 3 ou 4 mois attire tout Paris, autant par le luxe des décorations que par le talent extraordinaire d'un enfant qui joue le rôle du petit Pousset. Je savais par tous les journaux que cet enfant est une merveille d'intelligence et de gentillesse. Quelle ne fut pas ma surprise, en voyant sortir de son lit et se glisser sous l'escabelle de son père le bûcheron, un petit Pousset qui ressemblait d'une façon frappante à Julien. Cheveux blonds comme les vôtres, yeux bleus, et ces fossettes aux joues qui le marquent à votre image. Nous étions dans une loge d'avant-scène, presque sur le théâtre, et je le voyais parfaitement. La ressemblance avec Julien était tellement frappante que je restais stupéfaite. J'attendais qu'il parlât pour juger de la voix, mais il regagna son lit sans rien dire. Ce fut seulement au tableau suivant, dans la forêt épaisse, qu'il prononça les premiers mots de son rôle. « Ne craignez point, mes frères, je vous ramènerai bien au logis, suivez-moi seulement. » C'était bien sa voix. Je fus tellement étonné que je ne savais que penser. C'était lui, bien certainement c'était lui. Cependant le programme l'appelait Paul Cléry. À l'entracte, n'y pouvant plus tenir, je fis le tour par les derrières et m'adressai au concierge du théâtre pour savoir où demeurait cet enfant. Il me dit qu'il ne savait pas son adresse, qu'il venait au théâtre tous les jours avec son père, que si j'avais besoin de voir celui-ci, je n'avais qu'à laisser un mot et revenir chercher la réponse. Je rentrai dans la salle pour réfléchir un peu, car écrire un homme qu'on ne connaît pas pour lui demander si son fils est bien son fils, c'est assez insensé. Devant moi, j'aperçus à l'orchestre un des anciens collaborateurs à mon journal qui, maintenant, fait les théâtres dans une grande feuille quotidienne. Je lui fis signe que j'avais quelque chose à lui demander. Il vint dans notre loge et voulut commencer par me railler d'être au théâtre et d'avoir donné un démenti à mes principes. Mais j'étais bien trop impatiente pour l'écouter. Je l'interrogeai sur ce petit Cléry. Il me dit que c'était un enfant charmant, qui, pour la première fois, avait paru dans les Contes de Perrault, qu'il était doué des qualités les plus heureuses, et qu'il serait un jour un vrai comédien si son père avait la sagesse de ne pas l'étioler. Je lui demandai quel homme c'était que ce père. « Comment? Vous ne le savez pas, mais c'est un de vos anciens amis. C'est Berthaud. Où demeure-t-il? Vous aurez son adresse au théâtre. On me l'a refusé tout à l'heure. Voulez-vous que je vous l'obtienne? On ne me la refusera pas. D'ailleurs, je l'aurai toujours auprès de la direction. » À l'acte suivant, il m'apporta cette adresse. Berthaud demeurait rue des Marais Saint-Martin, numéro 97, sous le nom de Cléry. Le lendemain matin, vers 10 heures, j'étais devant ce numéro 97, une maison hâlée, de chétive apparence. J'appris du concierge que M. Cléry n'était pas chez lui, mais qu'il y avait quelqu'un et que je pouvais monter au 4e, au fond du corridor. Ne pas avoir peur de l'obscurité. Il n'y avait pas de casse-cou. Je frappai. Je sonnai assez longtemps sans qu'on me répondît. Et cependant, j'entendais du bruit de l'autre côté de la porte. Je recommençai à frapper. Enfin, une voix cria. « Il n'y a personne, je suis tout seul. » C'était bien la voix de Julien. « Ouvre donc, mon petit Julien, c'est moi, Madame Aigbel. » Les verrues furent promptement tirées et il me sauta dans les bras. « Ah, c'est maman qui vous envoie, n'est-ce pas? Où est-elle, maman ?» « Oui, ma chère Armande, le premier mot du pauvre mignon a été pour vous. » Je lui expliquai comment je l'avais découvert et lui dis que je venais pour le voir. « Je croyais que vous veniez me chercher pour rejoindre maman, » dit-il avec tristesse. « Elle ne peut donc pas venir à Paris ?» Il dit, lui, qu'elle ne veut pas. « Qui, lui, ton père ?»« Oh, il n'est pas mon père, je le sais bien. Mon pauvre papa est mort. C'était lui, mon père. Il m'aimait et je l'aimais bien. » N'est-ce pas que ce n'est point vrai que maman n'est pas riche pendant que nous sommes pauvres? et qu'elle ne vient pas parce qu'elle ne veut point partager son argent avec nous. Je lui dis, moi, pourquoi elle ne venait pas? C'est parce qu'il est très méchant et qu'elle a peur. Et elle a joliment raison, allez. Dites-moi où elle est, je me sauverai pour la rejoindre. Je tâchai de lui expliquer que c'était impossible, mais il ne comprit rien à mes explications. Comment faire accepter la loi, le code et tout le reste à un enfant? Je détournai la conversation de mon mieux en lui demandant s'il restait souvent seul ainsi à la maison. Très souvent. Dans le commencement, j'avais peur, surtout la nuit. Maintenant, je suis content, je fais ce que je veux. Combien de temps vas-tu rester seul? Je ne sais pas. Je crois bien jusqu'à ce soir parce qu'il m'a donné hier de l'argent pour déjeuner. En effet, lorsque j'étais entré, j'avais vu dans la cheminée un petit fourneau de terre avec de la braise allumée, et dessus du lait qui chauffait dans un poêlon en terre jaune. C'est donc du lait que tu vas manger pour déjeuner? Du café au lait, dit-il avec une satisfaction superbe. Il y a longtemps que j'en avais envie. Tous les jours, 2 sous de pain et 2 sous de pâté d'Italie, c'est ennuyeux ça. Alors hier et avant-hier, je n'ai mangé que du pain. Et ça m'a fait 4 sous d'économie. Et avec les 4 sous qu'il m'a donné hier soir, ça m'a fait 8 sous. Je voulais me payer du café au lait comme au Plessis. J'ai eu pour 2 sous de lait, pour 1 sou de café, pour 1 sou de sucre et 2 sous de pain. Mais je n'ai pas pu avoir de beurre parce que la fruitière n'en donne que pour 5 sous. Et je n'en avais que 2. Mais tant pis, dit-il résolument. Ce sera bon tout de même. Tu vas venir déjeuner avec moi. Oh non, s'il rentrait. Et je vis combien cette idée l'effrayait. Cependant, je le décidai à s'habiller, en promettant de tout prendre sur moi. J'entrai chez la crémière qui lui avait vendu son lait. C'était une brave femme. Je lui remis 10 francs, lui recommandant de donner tous les matins à Julien un café au lait complet. J'y retournerai dans 8 jours, et il aura ainsi assuré le déjeuner qu'il aime tant. Au restaurant où je le conduisis, il ne voulut pas manger autre chose que du café au lait. Il refusa tout ce que je lui proposais. Cependant, quand il eut fini, il me sembla qu'il avait envie de quelque chose. Des petits pots de fraises exposés sur le dressoir. Combien je fus heureuse de lui en voir croquer une pleine assiettée. Il a beaucoup grandi. Il paraît fort et bien portant. Le changement le plus sensible qu'on puisse remarquer, c'est dans ses yeux. Ils n'ont point la charmante bêtise des enfants de son âge, mais quelque chose de réfléchi et de résolu qui montre qu'il a souffert. Au reste, pendant que je l'avais, j'ai eu la bonne idée de le conduire chez un photographe. Vous recevrez son portrait demain, ou après-demain, ou plus tard. Il ne se plaint pas, mais il dit que les premiers mois ont été bien longs, qu'il s'ennuyait terriblement, et qu'il eût bien voulu avoir quelqu'un à qui parler dans la petite chambre où il demeurait, et où il ne naît jamais personne. Maintenant, il est content. Le théâtre l'amuse. Il y a toujours des comédiennes, des danseuses qui jouent avec lui, il l'embrasse, et ça lui fait plaisir. Il va changer de théâtre quand la féerie aura épuisé son succès, et entrer au Palais Royal, une pièce faite exprès pour lui. Je l'ai reconduit. Berthaud n'était pas encore rentré. Alors il a voulu vous écrire. Au milieu de tous ces récits, il avait sans cesse parlé de vous, et comme je lui avais dit que j'allais vous répéter tout ce que j'avais appris, il a voulu joindre sa lettre à la mienne. Vous la trouverez si incluse. Elle ne contient que quelques mots, car il sait encore à peine tenir sa plume, mais ces quelques mots sont de lui. J'ai hésité un moment, si je vous ferai part de tout cela, effrayé d'avoir à vous apprendre que ce cher petit que vous aimez tant, que vous avez si tendrement élevé, était maintenant un pauvre enfant exploité par ce misérable, qui s'en fait, m'a-t-on dit, un revenu assez considérable. Mais en réfléchissant que vous seriez au moins tiré de la cruelle incertitude qui vous désole, en pensant que vous me croiriez si je vous disais que malgré les fatigues qu'on lui impose et le métier qu'on lui fait faire, il est resté sain et fort, je me suis décidé à vous envoyer cette lettre. D'ailleurs, j'ai une bonne parole à y joindre qui vous rendra, j'en suis certaine, l'espérance. En quittant Julien, j'ai pris immédiatement le chemin de fer et me suis rendu chez M. Tête-Vide, à qui j'ai fait part de ma découverte. Il s'en est montré très satisfait. Il m'a bien recommandé de ne pas vous tromper par un espoir qui, malgré tout, peut ne pas se réaliser. Mais il se flatte, maintenant qu'il sait où Berthaud se cache, de lui tendre un hameçon auquel il se laissera prendre et qui vous rendra vos 2 enfants. Je manque à la recommandation et me hâte de vous répéter ces paroles qui, dans une bouche comme la sienne, ont une valeur sérieuse. Il a vu le prince tout dernièrement. Celui-ci est dans l'enthousiasme de votre dévouement. Il ne parle que des services que vous avez rendus à la bonne ville et qui vous y font révérer par tout le monde. Ce m'est une grande joie d'apprendre que vous avez trouvé dans le bien à faire une consolation à vos épreuves, et j'espère que Dieu permettra qu'elles touchent à leur fin. Je n'ai pas besoin de vous dire que maintenant vous saurez régulièrement comment se porte Julien. Je le verrai tous les 8 jours et ne manquerai pas de vous écrire. Vous pouvez là-dessus vous fier au dévouement de votre vieille amie, Flore Eggbell. Pendant 6 mois après le duel, Armande avait été entre la vie et la mort. 20 fois Boucheroy avait désespéré d'elle, l'avait condamnée pour le lendemain, et déclaré que si malgré tout le corps résistait, la raison périrait, que si elle se relevait, elle serait idiote ou folle. Cette crise terrible avait eu cependant cela de bon, que la prostration et la faiblesse physique l'avaient empêchée de sentir d'autres douleurs. Elle délirait pendant l'enterrement de Martel. Et ce n'avait été que 3 jours après l'enlèvement de Julien qu'elle avait commencé à en avoir conscience. Pour que cet enlèvement n'eût pas lieu, Ted Huyde et le prince de Coy, qui se regardaient désormais comme le tuteur de Julien, avaient tout mis en œuvre. Ils avaient échoué. « Par sa séparation, avait dit Maurice, ma femme m'enlève une fortune à laquelle je tenais beaucoup. Je lui enlève, moi, de mon côté, ce qu'elle a de plus cher au monde, cet enfant. » « Les 25 000 francs sont toujours là, » avait dit Ted Huyde. « Ce n'est pas vos 25 000 francs déjà refusés. Ce n'est pas l'usufruit de la fortune de ma fille qui suffisent maintenant. Il faut que ce petit monstre paye sa libération. Pour cela, jamais. Vous y viendrez, j'ai le temps d'attendre. » Malgré l'arrêt de Bouchereau, Armande n'avait point succombé. Elle s'était relevée faible de corps, faible de raison, mais cependant ni folle ni idiote. Aussitôt qu'elle avait eu quelque force, elle avait voulu faire les 2 mois de prison auxquels elle avait été condamnée, et ça avait été malgré elle qu'on avait obtenu qu'elle les ferait dans une maison de santé. « C'est une pauvre femme, avait dit Ted Huyde, qui a besoin de souffrir. Si elle ne trouve pas à user sa douleur dans une œuvre de dévouement et de sacrifice, elle n'a pas 2 ans à vivre. » Le prince avait été frappé de la portée de cette observation. Il possédait, dans le département de l'Orne, à la Bonneville, un vaste établissement industriel, filature de lin et tissage mécanique, où étaient employés 1200 ouvriers. Il avait reçu dans un héritage cet établissement, organisé comme beaucoup d'autres exclusivement en vue du produit, et il projetait d'apporter au sort des ouvriers quelques-unes de ces améliorations matérielles et morales qui, en ces dernières années, ont été si heureusement réalisées à Mulhouse. C'était même ce qu'il avait décidé à ne pas vendre cet établissement, lui qui n'était nullement industriel et qui ne désirait pas augmenter sa fortune. En venant quelquefois à la Bonneville, il avait été surpris du grand nombre d'enfants qu'on rencontrait le matin et le soir vagabondant dans les chemins. Il en avait demandé la raison, ou lui avait répondu que les ateliers ouvraient à 6 heures et que l'école ouvrait à 8, que les ateliers ne fermaient qu'à 8 heures le soir et que l'école fermait à 4. C'était donc pendant 2 heures le matin et pendant 4 heures le soir que les enfants restaient livrés à eux-mêmes sans parents pour les recevoir ou les surveiller. Il avait pensé à commencer par là ses améliorations et à ouvrir dans les dépendances mêmes de l'établissement une sorte d'asile où les parents amèneraient les enfants le matin en entrant à l'atelier et où ils les reprendraient le soir à la sortie. On les conduirait à l'école et on irait les y chercher. Comme complément à cet asile, on établirait une crèche où les mères pourraient allaiter les enfants aux heures de repas et un hôpital pour les enfants malades. Il fallait à la tête de ces diverses fondations une femme intelligente et dévouée. Il avait proposé à Armand de s'en charger. Elle avait accepté avec empressement, et en sortant de la maison de santé, elle était partie pour la Bonneville. Au bout d'un an, la mortalité des enfants, qui à son arrivée était de 45 sur 100, était descendue à 16. L'amélioration morale, quoique ne pût pas être constatée statistiquement, était plus grande encore. Ce fut à la Bonneville qu'elle reçut la lettre de Madame Eggbell. Depuis 3 ans, elle était sans nouvelles certaines de Julien. Ted Huyde avait bien eu plusieurs fois des entrevues avec Maurice, mais sans avoir jamais pu apprendre où il demeurait et si Julien était vivant. Elle résolut de partir pour Paris. Puisque Madame Eggbell avait bien pu voir l'enfant, ce n'était pas des nouvelles tous les jours, ce n'était pas des lettres qui pouvaient satisfaire sa maternité. Cependant, malgré sa hâte et son ardent désir, elle ne partit pas. Des ouvriers irlandais, nouvellement arrivés à la Bonneville, avaient apporté avec eux une épidémie de petites véroles confluentes, et l'hôpital des enfants avait déjà 10 malades. Les phénomènes d'invasion se manifestaient avec une effrayante intensité, et bien qu'elle eût, formée par elle, des aides pour la suppléer et même la remplacer, elle voulut rester au milieu de ceux qui avaient besoin de secours. Pendant 2 mois, la maladie fit d'affreux ravages, non seulement parmi les enfants, mais aussi parmi tous les ouvriers de l'usine et les habitants du village. La panique devint générale, tous ceux qui pouvaient se sauver se sauvèrent. Des 5 femmes qu'elle avait eues sous ses ordres, 2 moururent et 3 s'enfuirent. On ne trouvait plus de garde et l'on fut obligé de demander des sœurs de Saint-Vincent de Paul. Pendant ces 2 mois, elle ne quitta l'hôpital, où elle restait jour et nuit dans une atmosphère infecte, que pour courir dans les maisons il y avait des secours à porter, des soins à organiser. C'était un miracle pour le monde qu'avec sa constitution affaiblie, ses fatigues, ses chagrins, elle résista au fléau. Elle-même, dans ses heures de veille auprès des malades, avait d'horribles angoisses. Si elle allait mourir sans avoir revu Julien, en 24 heures elle pouvait aller à Paris, le voir et revenir, mais pendant ces 24 heures, combien pouvaient être attaqués et mourir? Elle resta. Enfin, la maladie entra dans une période de décroissance, mais comme cela arrive trop souvent, Armande, après l'avoir impunément affrontée dans sa plus grande intensité, fut atteinte au moment où chacun commençait à espérer. Le jour où elle put se reposer, la fièvre la prit avec des vomissements et du délire. Presque aussitôt, l'éruption se déclara. Ce fut une désolation générale, et le directeur de l'usine prit une mesure qui montra combien était vive et sympathique qu'elle s'était gagnée. Dans cette population peu tendre, 3 fois par jour, on afficha à la porte des ateliers le bulletin de sa santé. Malgré ses épreuves et ses douleurs, elle n'avait pas perdu sa beauté. Le médecin qui l'avait aidée dans cette épidémie, et qui mieux que personne n'avait pu l'apprécier, ne voulut pas que, s'il parvenait à la guérir, elle fût défigurée. Et il pratiqua sur elle l'excellente méthode de Bretonneau qui, au moyen de la cautérisation de chaque pustule, prévient les cicatrices apparentes. Sa faiblesse même la sauva, et son impatience de courir à Paris hâta sa convalescence. La veille de son départ, elle vit entrer chez elle le directeur de l'usine qui était en même temps maire, le curé de la bonne ville et les 2 contremaîtres de l'établissement. « Madame, dit le maire, le conseil municipal et le bureau de bienfaisance ont pris ce matin, chacun séparément, une délibération que je suis chargé de vous faire connaître. Elle a pour but de vous voter des remerciements et de vous témoigner la reconnaissance du village tout entier. » Madame Aiguebelle, prévenue, l'attendait à la descente du wagon. Armande espérait tout de suite courir rue des Marais Saint-Martin, mais Madame Aiguebelle s'y opposa en expliquant qu'il y avait danger. « Aujourd'hui, dit-elle, pour vous faire prendre le temps en patience, j'ai une proposition à vous faire que je regarde comme très importante. Jusqu'à présent, quand vous êtes venue voir Victorine, vous n'avez pas voulu aller au Plessis. Mais le moment est arrivé d'affronter ce que les souvenirs ont de terrible pour vous. Cette propriété reviendra un jour à Julien. Plus vous attendrez pour y retourner, plus vous aurez à souffrir. Allons-y aujourd'hui. » Armande réfléchit un moment. « Eh bien oui, allons-y, dit-elle. Je verrai Victorine à Villeneuve. Nous irons exprès du Plessis. La correspondance du chemin de fer ne se fait plus maintenant par Villeneuve, mais par Noisy. » Ce fut avec un cruel serrement de cœur qu'elle approcha du Plessis et traversa ces plaines qu'elle n'avait pas revues depuis si longtemps. Elle descendit de voiture au milieu du village, et l'on se mit sur les portes pour la voir passer. Elle marchait les yeux baissés, cependant elle sentait qu'on la saluait affectueusement. Les cheminées fumaient, et rien ne paraissait changer à la ferme. Elle fut forcée de s'appuyer sur le bras de Madame Aiguebelle. De loin, sous la grande porte, elle reconnut Hutin. Il accourut à leur rencontre. C'était bien lui, mais rajeuni, redressé, libre et à son aise. Elle lui en fit la remarque. « Ah, notre maîtresse, Méduline veut bien de moi pour son homme, et ça éclaircit les yeux. » Comme autrefois, la cour était pleine de volailles qui se sauvèrent en piaillant. Marie-Ange, dans ses beaux atours de pleurac, se tenait à la porte du vestibule. Armande l'embrassa et voulut se diriger vers la cuisine, mais Marie-Ange ouvrit la porte du salon. « Monsieur Tedwitt vous attend, » dit-elle. C'était non seulement Tedwitt qui l'attendait, mais auprès de lui, Victorine et Julien. Avant qu'elle pût pousser un cri, les enfants étaient dans ses bras. Longtemps, elle ne put que les embrasser en pleurant. Ses lèvres ne pouvaient pas former les mots pressés qui lui montaient du cœur. Enfin, elle se remit un peu et remarqua que Victorine était en grand deuil de laine. « Oui, dit Edwige, répondant à sa muette interrogation, je crois que j'allais arriver à vous rendre vos enfants, mais la Providence a bien heureusement simplifié mes combinaisons. » Et comme Victorine embrassait Madame Aiguebelle, « Sa mort a été digne de sa vie, dit-il à mi-voix. Quand l'enfant ne sera pas là, je vous conterai tout. » Elle ne pouvait se lasser de les regarder et de les embrasser comme ils étaient grandis. La porte du salon s'ouvrit de nouveau et le prince de Coy entra. « Madame, » dit-il à Armande en lui tendant la main, « je viens vous demander à dîner. Voulez-vous me faire l'honneur et l'amitié de me recevoir ?»« Ah, prince, » dit Hedwig, « vous arrivez bien. Il est 6h01, on peut se mettre à table sans attendre davantage. » Lorsqu'après le dîner les enfants se furent retirés, Hedwig s'adossa à la cheminée, une main dans la poche de son gilet, l'autre étendue devant lui dans la pose d'un homme qui va faire un discours. Armande comprit que le moment était venu d'entendre le récit de cette mort que Hedwig n'avait pu lui faire devant les enfants et que d'elle-même elle n'eût jamais osé demander. Hedwig vit son émotion. « Je comprends, » dit-il, « le sentiment qui vous fait craindre d'entendre ce que j'ai à vous apprendre. Mais je crois qu'il vaut mieux nous débarrasser tout de suite de ce sujet douloureux pour n'y plus revenir. » « Je le pense aussi, » dit M. de Coy. « Le bonheur vous a fait aujourd'hui une cuirasse qui peut supporter tous les coups. » Sans intervenir directement, Mme Ecbel leva les mains au ciel en signe d'approbation. « Il y a 15 jours, » continua Hedwig, « je reçus de notre homme la singulière lettre que voici. Je suis là de la guerre que nous nous faisons, et vous, voulez-vous la paix ? S'il vous plaît que nous en discutions les conditions, je vous prie de venir jusqu'à Andilly, dans la vallée de Montmorency, station d'Hermont, chez Madame Boireau. Tout le monde vous indiquera son chalet. Je vous demande pardon de ne pas me rendre moi-même chez vous, mais je suis assez sérieusement malade. Ne comptez pas pour cela qu'en attendant un peu, vous seriez débarrassé de moi. Je n'en suis pas là, et je crois que votre visite pourra être utile à ceux que vous protégez. Vous voudrez bien ne parler de moi à personne jusqu'au moment où nous nous serons vus, sans quoi toute négociation serait d'avance rompue. Vous saurez pourquoi je réclame ce silence absolu. Votre carte remise pour M. Ivoré vous fera immédiatement recevoir par votre bien dévoué, M.B. J'ai pour habitude de me présenter jamais chez les gens que je ne connais pas sans prendre auparavant quelques renseignements sur eux. Quelle était cette Madame Boireau ? Pour aller d'Hermont à Andilly, j'ai pris l'omnibus du chemin de fer et, quoique peu ingambe, je montais à côté du cocher pour le faire causer. Un bon pourboire le disposa en ma faveur, et quand je lui demandai où je devais descendre pour aller chez Madame Boireau, il me donna tous les renseignements désirables, mais seulement sur la position de la maison qui était adossée à la forêt et fort luxueuse à en croire son enthousiasme local. Sur la maîtresse de la maison elle-même, il fut plus réservé, et cela avec les réticences d'un paysan qui ne veut pas se compromettre. Ce semblant de mystère rendait mon enquête de plus en plus nécessaire, et puisque je ne pouvais rien apprendre par là, il fallait me tourner ailleurs. La vie parisienne a si fort changé en ces dernières années que les gens les moins bucoliques du monde ont été atteints de l'épidémie de la campagne. C'était bien le diable si à Andilly, Margency ou les environs, il n'y avait pas un avoué ou un avocat en villégiature. Par lui, j'aurais assurément sur Madame Boireau tous les renseignements désirables. Il fallait donc tout d'abord trouver un de mes anciens confrères. Précisément, Tardenois, un de mes vieux camarades de palais, habitait Andilly. Je me fis descendre à sa porte. Armande écoutait ces détails avec une impatience douloureuse. Par un sentiment de délicatesse et de dignité, elle eût voulu que le nom de Maurice ne fût point accouplé à celui de cette femme, et bien que tous deux eussent sur sa vie une si fatale influence, elle souffrait et rougissait de ce rapprochement pour celui qui, malgré tout, était le père de Victorine. Mais Hedwig n'était pas homme à se presser, et de plus, il avait l'habitude, prise dans 20 ans de pratique, d'être d'une rigoureuse exactitude pour toutes les circonstances qui peuvent préciser une affaire. « Par Tardenois, » reprit-il, « je vis tout de suite quelle était cette dame Boireau. »« Nous la connaissons, » interrompit Madame Ecbel, qui sentait ce qui se passait dans le cœur d'Armande. « Je le sais parbleu bien maintenant, » continua Hedwig, sans comprendre l'interruption. « Mais alors je ne savais pas. » « Présentement, » me dit Tardenois, Madame Boireau est propriétaire de la plus belle villa de la vallée. Lorsqu'elle va au chemin de fer, ses chevaux et ses voitures font sensation. Elle reçoit toutes les semaines, non ses voisins, mais une société parisienne fort tapageuse. Elle est la bienfaitrice du pays. Elle adopte les enfants et soulage bruyamment les infortunes apparentes. Elle paye toutes les choses un quart ou moitié au-dessus de la valeur. Les paysans l'adorent et la méprisent. Nos femmes en sont jalouses, nos filles copient ses manières. Nos fils tâchent de monter dans son compartiment où souvent ils se rencontrent avec leur père. Ce qu'elle était autrefois, comédienne, mais ce n'est pas dans cette profession qu'elle amassait sa fortune, c'est autrement. Les femmes de cette espèce lorsqu'elles sont le plus favorisées, font ordinairement le tour du monde parisien. Et tout est fini pour elles, bien heureuses, si dans ce voyage, elles ont su faire leur provision pour la vieillesse. Madame Boireau a recommencé ce voyage 3 fois, ce qui, paraît-il, est la preuve la plus éclatante d'une supériorité et d'une solidité merveilleuse. Voilà, mon cher, ce qu'est et ce qu'a été ma voisine. Ainsi parla Tardenois, en me laissant à la porte de Madame Boireau. Je demandai M. Ivoré et remis ma carte comme la lettre me le prescrivait. Un quart d'heure après, je le vis entrer dans le salon où j'attendais. Les précautions qu'il avait prises, en me disant qu'il n'était pas mourant, m'avaient disposé à le trouver dans un état déplorable. Je fus épouvanté par la réalité. Maigre comme un squelette, la barbe grise, les cheveux presque tout blancs, voûtés, le cou enfoncé dans ses épaules osseuses, les bras tremblants, les jambes vacillantes, tel il m'apparut. Il n'y avait de vivant en lui que sa face décharnée, éclairée d'une rougeur singulière et ses yeux ardents qui lançaient des lueurs fiévreuses. Il avait évidemment fait une toilette soignée pour me cacher autant que possible son état désespéré, qui devait me rendre exigeant dans nos conditions à traiter. C'était lui qui commandait la paix, je n'avais rien à dire. À lui de s'expliquer, à moi de les voir venir. « Eh bien, dit-il, vous triomphez, mais avouez que j'ai fait une belle défense. N'est-ce pas que vous comptiez me réduire plus facilement et plus tôt ?» Il avait une sorte d'hésitation, de l'embarras dans la langue, quelque chose comme du bégaiement. « Enfin, continua-t-il, je vous rends aujourd'hui le service de me déclarer vaincu, et j'espère que vous me saurez gré de mes bons procédés. » Il ne me convenait point d'accepter la discussion dans ces termes. « Mon cher monsieur, lui dis-je, vous avez perdu vos canons, votre armée, votre réserve. Vous êtes acculé dans une impasse. Si vous ne vous étiez pas rendu aujourd'hui, je vous écrasais demain. Ainsi ne nous trompons pas sur la situation. « Oui, je sais, dit-il. Et j'avoue que vous m'auriez bientôt tenu, non pas demain comme vous le croyez, mais un jour ou l'autre. Seulement c'est Julien que vous voulez. Et vous ne l'auriez jamais eu. » Je fis un geste d'assurance. « Jamais, continua-t-il. Vous allez voir tout à l'heure pourquoi. Eh bien, c'est Julien que je viens vous proposer. J'offre beaucoup, je demande peu. L'affaire, il me semble, doit s'arranger. Que demandez-vous? Voilà d'abord ce qu'il faut savoir. Non, il faut, si vous voulez bien le permettre, il faut d'abord savoir quelle est ma situation, puis ensuite quelle est celle de Julien. Vous verrez alors par où je suis fort et par où je suis faible. Privé de la fortune de ma fille par le jugement de séparation de corps, de celle de Julien par ce maudit testament en faveur du prince, j'ai engagé la lutte sans armes et sans provisions. Il a fallu m'en procurer. Pour vous amener à une transaction, j'ai employé tous les moyens. Je n'ai pas réussi. La fortune est dure, malheureux. Ce refrain est connu. Aujourd'hui, je suis sous le coup d'une plainte pour usure et abus de confiance à la suite d'une fâcheuse spéculation. Et si l'on savait que Madame Ivoré n'est autre que Maurice Berthaud, cette chère Madame Boireau qui me donne l'hospitalité, aurait le désagrément de voir son perron sali par les bottes de messieurs les gendarmes. De plus, je suis assez sérieusement malade, si malade même, que pour vous expliquer ma situation comme je le fais, je ne dis pas clairement, mais d'une façon à peu près intelligible, il faut que je l'ai tournée et retournée 10 fois. Ce serait une affaire nouvelle. Vous n'y pourriez rien comprendre. Voilà mon faible. Vous voyez que je suis franc. Cynique, eus-je envie d'interrompre, mais je me retins. « Mon fort, continua-t-il, est beaucoup plus simple à exposer. J'ai Julien en mon pouvoir. Je l'ai placé en lieu sûr. Je ne vous le rendrai que si vous acceptez mes propositions. Sinon, vous ne le retrouverez jamais, même quand je viendrai à mourir. Un enfant de son âge n'est pas bien difficile à escamoter, surtout avec les relations que j'ai à l'étranger, en Angleterre, en Italie, en Allemagne. Il est mon fils, j'ai le droit, vous le savez, de lui faire donner son éducation où bon me semble, surtout lorsque j'agis pour le soustraire à l'influence d'une mère flétrie par la justice. « Ah, monsieur Tedvide !» s'écrie Madame Aigbel. « Ma chère dame, ce n'est pas moi qui parle, c'est lui. Et par précaution contre des regrets superflus, il faut bien que je le montre tel que je l'ai vu. J'ai assez de mal à faire ce récit, croyez-le. Moi aussi, j'étais indigné lorsqu'il s'exprimait ainsi, mais je n'en laissais rien paraître. « Voilà votre situation, lui dis-je. Maintenant, quelles sont vos conditions ?»« Bien simple. Moyennant 4 000 francs, on peut désintéresser celui qui me poursuit. Donc, premièrement, vous payerez ces 4 000 francs, vous ferez la plainte, et si ces démarches sont nécessaires, vous vous en chargerez pour arrêter l'affaire. Puisque vous êtes le conseil de ma femme, n'est-il pas juste que vous soyez le mien ? Secondement, en échange de Julien que je vous livrerai, vous me donnerez 40 000 francs. Je connais l'enfant, et je vous affirme que s'il avait âge de raison, il donnerait cette somme avec plaisir pour rompre nos relations. Je me levai. Eh bien, vous ne répondez rien à ma proposition, je l'examinerai. C'est que la chose presse. Pour vous, pas pour nous. Quand il y avait urgence pour nous, vous preniez votre temps, chacun son tour. D'ailleurs, je ne peux rien vous dire avant d'avoir vu sur quoi repose cette plainte en abus de confiance. Il me donna toutes les indications et quelques pièces qui pouvaient me guider, et il insista vivement pour me revoir bientôt. Je promis de revenir sans préciser l'époque. Comme je sortais du salon, un domestique vint me proposer de la part de Madame Boireau une place dans sa voiture pour retourner à la station. Il me plaisait peu de me montrer aux côtés de cette petite dame. Cependant, comme je pouvais obtenir d'elle quelques renseignements utiles, j'acceptai. Ce fut ainsi que j'appris que la maladie qui avait réduit Berthaud à ce triste état était le délirium tremens. Il était arrivé un soir à Andilly, venant de Paris à pied sans souliers, dégoûtant de saleté et de misère. En souvenir d'anciennes relations, plus encore par pitié et charité, elle l'avait reçu et l'avait fait soigner. On était obligé de prendre les plus grandes précautions et de le surveiller comme un enfant pour l'empêcher de boire, car une nouvelle attaque pouvait le tuer. Soit qu'elle ne voulut pas parler, soit qu'elle ne fût pas renseignée, je ne pus rien obtenir d'elle relativement à Julien. En échange, elle ne put, malgré ses instances assez adroites, rien obtenir de moi relativement à ce que nous ferions. En arrivant à Paris, j'allai chez mon médecin lui demander une consultation sur le délirium tremens. Ce que je lui dis de l'état du malade le fit conclure à la folie chronique et peut-être même à la mort comme terminaison fatale et prochaine. Je m'occupai ensuite de l'abus de confiance. Mais là-dessus, si vous le voulez bien, je passerai rapidement. Il s'agissait de vins qu'on livrait aux emprunteurs, lesquels vins revenaient au prêteur, dans un étrange mouvement de rotation qui rapportait à ceux-ci 3%. Je me suis mis en mesure d'arrêter l'affaire quand je voudrais, afin de tenir notre homme, puis 8 jours après notre premier entretien, je retournai à Andilly. C'était le matin. On ne me fit pas entrer comme la première fois dans le salon, mais dans un fumoir. J'insiste sur ce détail, parce que vous le verrez tout à l'heure, il a son importance. Ce fumoir était dans un désordre qui disait que la veille, il y avait eu réception chez Madame Boireau. Des meubles renversés, des verres çà et là, des journaux chiffonnés sur le tapis, et malgré les fenêtres ouvertes, l'odeur écœurante des lendemains de fête, un singulier mélange de fumée, de tabac et d'alcool. « Croiriez-vous, me dit-il en arrivant, que mon hôtesse ne m'a pas admis à la fête qu'elle donnait cette nuit? Là-bas, de mon pavillon, j'entendais les voix de ses convives et j'apercevais la lueur des cigares, mais voilà tout. L'hospitalité est dure. Vous m'apportez, n'est-ce pas, ce qu'il faut pour m'en affranchir ?» Ces 8 jours avaient augmenté encore son tremblement. Ses membres étaient agités par des secousses convulsives. « Voilà ce que je vous apporte, lui dis-je. D'abord, vous ne livrez Julien. Non, non, à vous de livrer le premier. Permettez, de votre parole ou de la mienne, laquelle est la meilleure ? La mienne ne vaut rien, cela est vrai, mais je ne sais pas ce que vaut la vôtre. Enfin, il en sera ainsi ou rien de fait. Vous nous remettez Julien, j'arrête votre affaire, et vous partez pour Londres, où tous les premiers de chaque mois, vous touchez une pension de 300 francs chez un banquier que je vous indiquerai. » Il était assis, il se leva presque ferme et droit. « Une rente. Quand je vous demande 40 000 francs, non. Si je n'ai plus que quelques mois à vivre, je les veux bons. J'en ai assez, à la fin de toutes mes privations et de mes misères. » Il s'était avancé vers moi, les poings tendus, les yeux flamboyants. Entre nous se trouvait un guéridon sur lequel était posée une cave à liqueur. Il saisit un flacon, renversa le contenu dans un grand verre, et avant que j'eusse pu me demander si je devais l'arrêter ou non et prendre ainsi le rôle de la Providence, en 3 gorgées, il le vida. Ce fut quelque chose d'horrible, de bestial. « Ah ça ! » dit-il en reposant le flacon. « Vous ne me connaissez donc pas encore que vous me marchandez ? Vous ne comprenez donc pas que j'ai l'enfant entre les mains et que je peux en faire ce que je veux, vous le rendre tel que je suis moi-même ? Et je ne suis pas beau, hein ? 40 000 francs, allons, 40 000 francs ! Il y en a beaucoup de flacons comme ça dans 40 000 francs, et du kirsch et du rhum, et du chedam, et de l'eau-de-vie, et du whisky. Des femmes aussi, vous croyez peut-être? Non, j'en ai assez. » Son tremblement lui revenait de plus en plus violent. Ses yeux étaient hagards. Évidemment, il allait avoir une nouvelle attaque, je sonnais. « Vous sonnez, bonne idée. Nous allons faire venir Lina et la remercier, brave fille. » Le médecin m'avait prévenu que les attaques pouvaient être foudroyantes. Cependant, je n'avais pas cru à une pareille rapidité dans la perte de la raison. Heureusement, un domestique ouvrit la porte. Je l'avoue, j'étais peu rassuré. Celui-ci vit tout de suite ce qui s'était passé. Je le prévins que je restais chez M. Tardenois et que je reviendrais dans la journée. Les nouvelles que je fis prendre furent mauvaises. Son délire était furieux, le médecin était très inquiet. Le soir, Mme Boireau me fit prier de passer chez elle. J'y allais, car j'étais fort tourmenté. S'il allait mourir, sans nous renseigner sur Julien. Je trouvai une femme dans une colère furieuse. Elle me signifia que j'eusse à faire enlever M. Berthaud immédiatement. Je voulus lui représenter que c'était impossible dans l'état où il était. Tout fut inutile. Je m'engageai à le faire transporter le lendemain à Paris dans une maison de santé. Le lendemain, il était mort, sans avoir retrouvé sa raison. Heureusement, il y avait dans son portefeuille des lettres qui nous apprirent que Julien était chez un marchand de vin de Belleville. Le pauvre petit vous dira ce qu'il y faisait, comme il y était traité. Ainsi s'achève, de manière abrupte, certes, Les enfants, tome 3, de la trilogie Les victimes d'amour, d'Hector Mallet.